déjà si bré. Oui, ben en forme, ça peut parler tous. Yeah. Moi, y'en pas qu'on les a fait pas comparer. Moi, et puis on l'a déjà rematché. Est-ce qu'on a senti chalet à gamonter? Y'en qu'à peine la raison. Oui, y'en qu'à peine la raison.